lehen hier liegen nur wenn die alle Monte nur wenn on a sait qui consoler et partager le chagrin la veuve ou l'orphelin entre nous des différences. Partageons les souffrances. Et même si adversité rime avec diversité, ensemble pouvoir dur en liberté. On se sert de la culture comme le front d'une clôture pour couver l'intolérance. Les âmes sans humanité, les larmes et le sang lié entachent les ailes du symbole d'unité. Je vous aime quand même.